contre l'eau. Ça casse la porte, mais je suis prisonnier. C'est beau gueuler, ils ne m'entendront pas. J'ai beau crier, j'ai beau gueuler, je les vois se sauver. J'ai beau crier, j'ai beau gueuler, ils ne m'entendront pas. J'ai beau crier, j'ai beau gueuler, ils ne m'entendront pas. J'ai beau crier, j'ai beau gueuler, je les vois se sauver. J'ai les flammes sur l'arbre, on connaît ma chambre. Entre crâne brûlé, je suis prisonnier. Je suis prisonnier. J'ai beau crier, j'ai beau gueuler, je les vois se sauver. J'ai beau crier, j'ai beau gueuler.